poco il tempo, come dire. Non c'è stata la partita che hai di stare, non c'è niente. Sì, dico. Tutti i miei figli, dico. Io sono una mente, che è una mente, che è una mente. La mente di qua? Non sarò Se Freud diceva che da non proprietario del campo delle grazie per che tipo di esame può essere su di te darlo? Perché tu di esame non puoi ti doni l'esame. Tu di esame non puoi ti doni l'esame. Gli esami che ho ti è chi ho ti doni l'esame del sapo. Gli esami che ti doni l'esame, io stesso sarò a tuo modo, sarò a trovare su tutti i dati. Quand je dis que tout ce qui est servi à l'homme jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où j'ai commencé à parler à l'homme, le seul que le plus de l'homme, c'est de le démontrer. La cosmovénie de l'ancien, c'est déjà le cas. La cosmovénie de l'ancien fait partie du travail des états de l'esclavage. Le terme où j'ai commencé. À partir du moment où je commence à parler, ce qui était ici avant ne serait plus parce que ce qui était ici avant n'avait qu'une fonction, c'était d'augmenter l'intention sexuelle. Et il faut comprendre que ce n'est pas à l'homme ni possibilité, ni prédestiné, ni de l'homme. Mais lorsque tu sors complètement de cette action et que tu sors dans le temps volontaire, c'est parce que l'homme est ici au plus tard, puisque l'homme est capable de penser. Une fois que tu es capable de penser, tout ce qui a su dans le passé, tout ce qui a fait sur les créatures que tu veux apporter, sur les créatures que tu veux apporter, ne fait plus que de fonction de l'ego. Quand la fonction plus de l'ego, il fonctionne plus de l'esprit. Quand la fonction de l'ego, l'esprit, il fonctionne totalement de façon créative, indépendante, autonome, il est un agent de l'esprit. Quand il est un agent il est foncièrement sur le type d'autres extraterrestres, mais dans des conditions idéaliques qui ne sont pas pour l'homme aussi possible. Et et donc, je parle d'espérance entre le secret du mystère et le mystère du secret. Alors, il y a des hommes qui ont accès au mystère du secret, mais les hommes ne savent pas le secret du mystère, parce que le secret du mystère, ça fait un concept de méchelé. Alors, le secret du mystère est donné à l'homme, c'est genre que c'est bien, quand le secret du mystère est donné à l'homme, c'est moi-là de mal. Alors, que son ignorance fait partie du mystère du secret. Le langage du méchelé fait partie du secret du mystère. Tout mystère du secret sert aux entités sur les autres. Il les sert là. Tout ce qui fait l'homme fait partie du secret du mystère. Tout ce qui vient des autres nains, des entités sur les autres nains. Pas très bien. Maintenant, tout ce qui vient des entités sur les autres nains, défaire l'homme, mais elle est tout ce qui sert l'homme doit lui venir de l'alien. De son esprit, ça s'en sert l'homme. Et l'homme, c'est sûr que seul que l'homme peut se dévaler seulement par ses propres forces. Par ses propres forces. Il faut que l'homme se lève par ses propres forces, il est obligé, à un certain moment, de mettre totalement son égo de côté. Il est rentré dans son esprit. Non, on devient ça. Ça devient la force de l'art. Ah, oui, mais tu me dis que j'ai fait des petits d'apprendre à rejeter les illusions de personnalité. Pour en arriver éventuellement que la personnalité, ça va laisser. Et on est. Faut que l'ego ne soit plus là. Faut qu'il soit plus là. Bon. Parce que vous voulez. Tu sois plus là, dans le sens qu'il y a des petites réflexions. Tu sois là, tu sens plus là. Quand il est là, il n'y a plus de réflexion. Quand il n'y a plus de réflexion avec vous, ça serait plus sûr entre les deux de réflexion. C'est un là. Non. Non. Il y a plus de silence au niveau de la société. Non, il y a plus de silence au niveau de la loi. Il y a plus de silence au niveau de la société. Non, mais vraiment, c'est ça, non? Parce que tu as déjà dit, dans le monde d'avance, c'est ce que j'en voulais. C'est donc ton avenir. Qu'est-ce qu'on a acquis en dehors? D'accord, bon, oui. mettons que j'en suis un haïtien ici, ce que j'ai acquis dans le temps de guerre, à chaque fois que je me suis réincarné, j'ai perdu mon appel de chance de position à chaque fois. Quand tout le monde accepte, tu as accepté les Thank you. Thank you.